Deuxième partie de notre podcast exceptionnel consacré à l'avenir de la physique théorique pour compléter notre dossier du numéro de novembre-décembre 2015 « Penser l'univers aujourd'hui ». Nous sommes à la Cité des Sciences en juin 2007. Deux physiciens théoriciens de très haut niveau débattent sur la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Vous êtes à l'écoute de Ciel Espace Radio. Après ce plaidoyer pour une approche apparemment donc diversifiée hein, de la théorie unifiée que l'on cherche, qu'est-ce qui, vous, Thibaut Damour, vous fait pencher donc plutôt sur la théorie des cordes et pas sur la gravité quantique à boucle? En particulier, j'ai une question précise sur les tests de la théorie des cordes. On lit parfois que le LHC va nous dire des choses très intéressantes sur la théorie des cordes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et si c'est faux, est-ce qu'on a des tests expérimentaux en vue? Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve expérimentale de la théorie des cordes et il n'y a aucune prédiction ferme qui pourrait être testable de façon sûre dans un nombre fini d'années, pour être clair. D'abord, je crois que Li, étant subtil, ne croit pas à l'attitude bêtement popérienne qu'il vient de prendre d'ailleurs et qu'il prend parfois dans son livre. C'est-à-dire qu'une théorie doit faire forcément que des prédictions falsifiables, comme on dit en franglais, réfutables. Ce n'est pas comme ça que la science marche. Une théorie ne peut jamais être réfutée par des faits. La théorie Newton n'a pas été réfutée par la découverte d'une anomalie dans le mouvement du périhélie Newton et de Mercure, pardon, et jusqu'en 1905, Poincaré disait que ça s'expliquait très naturellement par d'autres choses, alors que la relativité commençait à indiquer qu'il y avait peut-être d'autres raisons. En fait, c'est la théorie qui précède souvent l'observation. Donc la théorie fait, comme dans un menu de restaurant, tout un choix de propositions. Et elles ne sont pas toutes réalisées, parfois pour des raisons profondes que les conditions aux limites dans lesquelles nous sommes placés ne permettent pas de la réalisation de tout ça. Dans le passé, une théorie pouvait faire beaucoup de prédictions. Effectivement, quand on arrive à ce genre de théorie comme la théorie des cordes, où toutes les structures, il n'y a plus de structure absolue, il n'y a plus de structure a priori, mais toutes les structures sont contingentes, ça rend plus difficile de faire des prédictions fermes puisque vous ne savez pas quelles sont les conditions aux limites dans le voisinage de la réalité où l'on est. Et donc, il n'y a pas de prédiction ferme. Mais par exemple, je trouve qu'une des prédictions génériques potentielles de la théorie des cordes permettrait de distinguer la théorie des cordes de ce en quoi Li croit, la loop quantum gravity, c'est la violation du principe d'équivalence. Puisque les essais de Li et d'autres consistent à supposer que la théorie d'Einstein reste vraie, et en particulier que le principe d'équivalence est incorporée là-dedans. Alors qu'au niveau zéro, une des premières prédictions de la théorie des cordes, qui a été relevée d'ailleurs dans le début par Scherk et Schwarz en 1974, c'est qu'au-delà des champs prévus par la théorie d'Einstein, il y a le fait que tout ce qui, dans la physique d'avant, était des constantes arbitraires qui apparaissent dans les lois d'interaction de la physique, comme par exemple dans un atome d'hydrogène, vous avez en gros, dans la limite semi-classique, un électron qui tourne autour d'un proton, et cet électron tourne avec une vitesse qui est 1 sur 137 fois la vitesse de la lumière. Et donc ce nombre, 1 sur 137, est un nombre pur, c'est le rapport de deux vitesses, et personne à l'heure actuelle ne sait l'explication de ce nombre. Il semble que la théorie des cordes dit en tout cas que ce nombre peut-être n'est pas un nombre fixé comme ça et donc qui ne peut pas bouger, mais c'est la valeur que prend un champ qui ressemble un peu au champ gravitationnel et qui pourrait fluctuer dans l'espace et dans le temps. Et une conséquence immédiate de ça, c'est que même si cette idée reste seulement vraie, une toute petite fraction de cette idée reste vraie, on devrait observer une violation du principe d'équivalence, c'est-à-dire de l'idée qui remonte à Galilée que tous les corps tombent avec la même accélération dans un champ gravitationnel. Et ça, c'est quelque chose qui va être testé l'année prochaine en satellite avec une précision 1000 fois plus grande que ce qui est connu aujourd'hui, 10-15, et qui pourrait être testé à 10-18. Donc ça, c'est juste un exemple d'une des prédictions Mais pas une prédiction ferme, puisque dans d'autres modèles de la théorie des cordes, cette constante, tout en étant en principe variable, est suffisamment fixée par des espèces de forces extérieures qu'elle ne bouge pratiquement pas. Mais si, en revanche, on observe une violation de l'universalité de la chute libre, et si cette violation est en accord avec les calculs que nous avons fait avec Sacha Polyakov pour la violation du principe d'équivalence par le dilaton, là, tout le monde jugera, oui, c'est une indication très forte que le dilaton, qui est un élément essentiel, et les modules de la théorie des cordes sont là. Donc, il n'y a pas de prédiction ferme, mais certaines expériences peuvent découvrir des choses. Quant au LHC, je ne suis pas des ultra-optimistes qui disent on va créer des mini-trous noirs, on va découvrir forcément la supersymétrie à cette thèse, puisque on n'est pas sûr que, même si la supersymétrie est une prédiction ferme et même une invention qui est sortie de la théorie des cordes, une idée qui est née dans ce formalisme, on n'est pas sûr qu'elle soit au bout du chemin, du LHC en tout cas. Elle est peut-être à une énergie beaucoup plus haute. Donc si on la découvre, on dira que la théorie des cordes a été confirmée, si, ou la supergravité en tout cas, ou quelque chose comme ça. Si on ne la découvre pas, ça n'est pas gênant. Donc finalement, les théories ne sont jamais réfutables, mais elles sont confirmables en fait. C'est-à-dire, si on peut trouver les expériences qui les confirment, on est content, on dit que la théorie est bonne, mais si rien n'est confirmé, ça n'est pas forcément que la théorie est mauvaise. Ça m'entraîne sur une question que je vous adresse à tous les deux. D'ailleurs, c'est finalement, du coup, qu'est-ce qui vous séduit, enfin finalement, faute de preuves, entre guillemets, dans la théorie des cordes? Est-ce que c'est une question d'élégance? Il y a un livre très connu, hein, de Brian Greene, L'univers élégant, qui présentait la théorie des cordes. Est-ce qu'on est là dans une question d'élégance, de beauté d'une théorie? Bon, qu'est-ce que ça veut dire, la beauté d'une théorie? Est-ce que c'est ça le ressort, finalement, de la séduction de la théorie des cordes? C'est pas une élégance dans la fabrication technique de la théorie, parce que elle est parfois d'une complexité redoutable qui font que l'élégance se perd beaucoup. Mais la même chose s'applique à la loop quantum gravity quand on la regarde de près. Donc c'est plutôt la simplicité des idées et des relations que ces deux théories font naître entre des concepts qui sont a priori séparés. Et bon, personnellement, je préfère la théorie des cordes, mais je dois dire que je trouve certains aspects de la loop quantum gravity, en particulier ceux qui ont été introduits par Lee sur l'idée de travailler avec des boucles, ça a une élégance en soi, et je serais content s'il en survit quelque chose dans la théorie ultime, quelle qu'elle soit. Moi, je suis absolument complètement ouvert à la diversité. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je compare ce qui se passe techniquement dans les deux développements, et même si je les renormalisais par le nombre d'hommes années consacrés à ces développements, je suis beaucoup plus convaincu par la richesse conceptuelle qui sort de la théorie des cordes. Prenons l'exemple des trous noirs. La supposée explication de l'entropie des trous noirs en loop quantum gravity a un aspect comme ça superficiellement élégant. On se dit, ah oui, il apparaît des réseaux comme ça discrets dans l'espace, et puis sur l'horizon du trou noir, il y a des choses discrètes. Je compte quelque chose et je trouve un nombre dont le logarithme est l'entropie de Bekenstein-Hawking d'un trou noir. Tout ça a l'air très bien. L'inconvénient, c'est que la réponse dépend d'un paramètre arbitraire. Donc, il y a certaines universalités qui sont vraies, mais on n'explique pas vraiment ce que... Non. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on compte ? Le trou noir n'est pas un objet dynamique dans ce calcul-là. Donc, ce n'est pas une vraie explication de l'entropie d'un corps physique dont j'ai fixé l'énergie à l'infini et qui est une entité dynamique. C'est un toy model, un modèle jouet comme ça, où on rajoute certaines structures. Donc, à la fois, je reconnais, il y a dans cette structure quelque chose d'élégant. Donc, peut-être qu'il restera quelque chose là-dedans. Mais techniquement, je ne suis absolument pas convaincu. Du côté de la théorie des cordes, c'est vrai que l'explication donnée par la théorie des cordes a quelque chose de fondamentalement frustrant, qui est que c'est un comptage merveilleux, bon, pour certains types de trous noirs. Malheureusement, ce comptage consiste à compter le nombre de configurations. Bon, l'entropie est censée être, vous savez, pour, par exemple, si vous avez un gaz chaud dans une boîte, l'entropie compte le logarithme du nombre de configurations microscopiques qui pourraient être, représenter l'état de ce gaz quand vous savez seulement qu'il est dans une boîte et qu'il y a une énergie totale dans cette boîte, et c'est tout. Donc, la théorie des cordes considère certains objets qui peuvent être des particules interagissant par des cordes tendues entre elles, et, ou d'autres objets étendus, et compte, quand ces objets-là sont des particules comme ça bien séparées, le logarithme de l'ensemble des configurations à énergie fixée. Et ensuite, on argue de façon assez convaincante, mais on n'arrive jamais à le prouver complètement, que cette configuration-là, quand la gravitation qui lie ces objets deviendra plus grande, deviendra un trou noir. Et on démontre que le nombre d'états est conservé, et donc que le nombre d'états dans le trou noir doit être égal au calcul primitif, qui coïncide exactement avec la formule de Bekenstein-Hawking. Donc c'est à la fois beaucoup plus physique, beaucoup plus convaincant, mais ça concerne des paramètres qui ne correspondent pas au trou noir en formation. Et si vous demandez, est-ce que je peux expliquer vraiment pour un trou noir que vous formez, est-ce que la théorie des cordes dit quelle est l'entropie ? Eh bien là, on est frustré, parce qu'on peut faire des calculs qui marchent quand les objets s'effondrent et deviennent un trou noir, mais on est obligé d'arrêter le calcul quand le trou noir est formé. Donc c'est vrai qu'à l'heure aujourd'hui, il n'y a pas d'explication complète. Quand je vois un trou noir formé en théorie des cordes, on ne comprend pas ça. Mais je trouve cette frustration, elle est plutôt l'indice d'une profondeur de la théorie des cordes, qui est que la théorie des cordes, ayant commencé effectivement en un coin de la physique, part de ce coin, trouve des structures immensément riches, et elle sait que, par prolongement analytique, comme on dit, c'est-à-dire que si on pouvait continuer la chaîne des raisonnements à partir de ce que l'on tient à un bout de cette chaîne, ça contiendrait toute la théorie d'Einstein, les trous noirs, etc. Mais on ne voit pas directement la cosmologie des trous noirs d'Einstein, on voit un bout de la chaîne. On sait que ça contient tout ça, on peut dire des choses très intéressantes, il y a une richesse de structure, et donc c'est un problème très excitant. Donc je trouve qu'un jeune à l'heure actuelle intéressé par l'unification et en particulier par la gravitation, il y a plus de choses fascinantes, parce que justement non comprises en théorie des cordes qu'en loop quantum gravity. Lee, vous avez certainement quelque chose à dire sur l'attrait et l'élégance, est-ce que ça compte pour vous dans le choix de la théorie? Yes. Et quand quelqu'un commence par dire que le jeu est joué, je veux dire que non, je vais faire mon mieux ici. La falsifiabilité, si vous parlez avec des philosophes professionnels, et moi je l'ai fait, j'ai beaucoup aimé. Il y a bien sûr des détails précis à propos de la falsifiabilité. Mais aucun philosophe des sciences ne vous dirait que la réfutabilité ne compte pas, qu'une théorie ne pourrait être validée par une communauté scientifique sans avoir fait des prédictions qui seraient falsifiées et non pas validées. J'ai parlé des photons qui vont un peu plus vite que la vitesse de la lumière. J'ai des collègues qui sont très rigoureux et qui sont très pessimistes à propos de ce fait. J'ai un article où je fais cette prédiction, et un papier avec d'autres auteurs où on dérive cette prédiction à partir de la gravité quantique à boucle. Dans 2 ans ou dans 3 ans, on pourra voir si c'est un fait de la nature ou pas. Et je veux poser juste une question rapide à Thibaut, et puis j'aurai une autre question après. Si on découvre ça, est-ce que la théorie des cordes est fausse ? Comme tu le sais très bien, il y a beaucoup de possibilités de violation de l'invariance de Lorentz en théorie des cordes. Un champ B peut développer une non-commutativité qui viole l'invariance de Lorentz. Donc, ça n'est pas. Je ne vois pas de caractère discriminant. Une fois que l'expérience sera faite, bon, on verra quels sont les backgrounds de la théorie des cordes qui peuvent l'expliquer. Donc j'encourage Lee à ne pas poursuivre sur ce terrain très technique. Pour le principe d'équivalence, si le principe d'équivalence est violé, c'est que je supposais, est-ce que tu en déduirais que Einstein, quantique, c'est bon tout de même ? Ou il faut aller au-delà ? avoir les constantes qui varient. Bien sûr. Si le principe d'équivalence est brisé, et merci. Alors elle est brisée, et à ce moment-là, il y a des champs de dilatons, etc. Et ce sera une grande découverte. Ce sera une grande découverte. Et ce sera une découverte qui pourrait être faite. Il y a des choses que je peux dire sur cette question, mais je ne veux pas être technique. Je vais. Justement, je vais parler du concept, non pas de la technique. Je vais vous donner une idée de ce que c'est que cette controverse, puisque le livre porte sur cette controverse et sur les idées et les directions de recherche qui racontent comment tout cela se passe en réalité. Et voici, je n'ai pas répondu à la question à propos de l'élégance et de la beauté. Voici ma réponse à propos de la beauté. La beauté, l'élégance, nous sommes tous surpassés par l'élégance, pour le mieux ou le pire, dans notre vie personnelle et en science. C'est une chose merveilleuse, mais il faut rester suspect à son propos, à la fois dans la vie privée et en science. Pour vous dire très franchement et personnellement, il y a des choses élégantes et belles dans les approches différentes. Moi, j'ai une intuition, et je pourrais me tromper, mais j'ai une intuition que quand le progrès se fait dans n'importe quel domaine de la vie, il se fait vite, il se fait rapidement. Et en gros, le progrès est là avant que nous l'écrive sur papier. Quand il y a un développement nouveau majeur en science, l'apparition de la théorie des cordes, de la gravité, de l'information quantique, etc., et d'autres théories, les choses réelles se passent très vite. Et après, il y a d'autres périodes du temps où les gens étudient les problèmes, où ils font de la recherche normale. Mais les vraies réalisations se passent rapidement. Donc mon intuition, c'est que si par une série de ces transitions rapides, on dépasse la théorie des cordes, on n'est pas encore au point où on aurait quelque chose qui ressemblait à la vérité. Et il y a deux aspects à la vérité, c'est la profondeur et l'échelle de nouveauté de cette nouvelle idée. Et deuxièmement, il y a des expériences nouvelles qui pourraient être faites tout de suite. Et c'était le cas avec l'électromagnétisme, la théorie quantique, etc. Il y avait des expériences qui pourraient être faites dans quelques années et pas dans quelques décennies après la découverte de cette théorie. Et donc, s'il y a un groupe de chercheurs qui travaillent sur un tel ou tel programme pendant quelques décennies, et j'inclus ici à la fois la théorie des cordes et la gravité quantique, et si on n'a pas fait quelque chose qui pourrait atteindre ce grain de vérité, à la fois du côté théorique et du côté de nouvelles prédictions pour les expériences, alors on dirait oui, voici, il y a quelques idées intéressantes, mais ça, c'est le matériel, ce sont des inputs pour la nouvelle génération de théories. Et ce qui m'inquiète principalement, c'est, et je le dis à la fois comme physicien et comme administrateur d'un institut scientifique, c'est de faire, parce que je travaille avec les jeunes qui souhaitent faire une nouvelle révolution, c'est que la chose prochaine, la chose suivante qu'il faut faire, c'est de laisser la porte ouverte, pour cet espace scientifique, pour cet espace social au sein de la communauté scientifique, pour que ces gens nouveaux, qui pourraient être aussi nous-mêmes le week-end prochain, qui diront « Ah, bon, faisons quelque chose de nouveau ». Alors, même si nos aventures étaient très belles, si rien de plus ne peut être fait, alors laissons la porte ouverte à ceux qui viendront après nous, et dans 3, 4, 5 ans, je pense on qu'il fera y a un contre-exemple très clair à ce que tu viens de dire, Lee, qui est que dans les années 30, Pauli a décidé, en étudiant certaines choses qui sortaient de la théorie d'Einstein, à étudier une théorie que l'on appelle aujourd'hui de Young-Mills. Et dans cette théorie, il a trouvé qu'il y avait des particules qui se propageaient à grande distance, à masse nulle, comme on dit, qui étaient en contradiction très violente avec l'expérience. Donc il en a déduit c'est faux. Dans les années 50, cette théorie a été redécouverte par messieurs Young et Mills indépendamment. Et quand ils ont donné leur premier séminaire, Paoli était dans la salle et sans arrêt leur disait « Mais n'est-ce pas qu'il y a des particules à masse nulle qui sont en contradiction violente avec l'expérience ?» Et ils ont été obligés de dire « Oui, c'est vrai, c'est en contradiction avec tout ce qu'on sait, mais la théorie est élégante. » Paoli disait évidemment « Je le sais bien », puis c'est lui qui l'avait trouvé 20 ans auparavant. Et il a fallu attendre sans doute après 74, après en tout cas 73 disons, le prix Nobel de Gross, Wilczek et Politzer, pour voir que ces théories-là pourraient servir dans la nature, à la fois pour les interactions faibles et les interactions fortes. Donc il a fallu 40 ans de développement théorique, d'une théorie qui était en contradiction flagrante avec l'expérience pour se rendre compte que cette élégance mathématique, en effet, dans un certain cadre, pouvait être une des théories les plus profondes des interactions. Donc peut-être que la théorie des cordes est dans ce cadre-là. Donc éventuellement, un jeune chercheur qui commencerait aujourd'hui sa carrière à 25 ans, il aurait une chance d'aboutir à 65, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il faut prendre des risques de toute façon. Hein. Mais c'est parfait parce que ça introduit la dernière partie. Alors malheureusement, ça va. On va... Puis-je intervenir ? Puis-je commenter ? Si ce que vous dites est vrai, mais il y a toujours des contre-exemples. Mais il n'y a personne. S'il y avait personne qui travaillait sur la théorie de Young-Mills entre Paoli et Young-Mills, oui. Mais sur la théorie des cordes, il y a plein de gens qui travaillent. Si personne ne travaillait sur la théorie des cordes, là, je serais d'accord. Mais ce qui est intéressant, et l'anomalie, si vous voulez, l'anomalie historique et philosophique à propos de la théorie des cordes, c'est qu'il existe à peu près un millier de gens qui pensent que c'est vrai, que c'est une théorie vraie. Mais la théorie n'a pas traversé cette porte de vérité que ça, normalement ça tout à fait la dernière partie qu'on va faire malheureusement très courte qui concerne les aspects sociologiques de cette histoire. Vous développez longuement dans votre livre l'impact disons de la sociologie des sciences, de la physique sur le succès de la théorie des cordes. Alors selon vous finalement, vous expliquez que, là je vous lis, hein, grâce à une campagne de promotion agressive, la théorie des cordes est désormais considérée comme la voie royale d'exploration des grandes questions de la physique. Et vous donnez toute une liste de physiciens, théoriciens de très haut niveau, 8 des 9 lauréats des bourses MacArthur attribués aux physiciens des particules depuis le début du programme ont été attribués à des théoriciens des cordes. Dans les départements physiques des plus grandes universités américaines, parmi les 22 professeurs ayant un poste permanent en physique des particules qui ont soutenu après 80, 20 ont acquis une réputation en travaillant sur la théorie des cordes. Enfin bref, vous dressez un tableau d'une physique théorique, au moins aux États-Unis, complètement dominée par la théorie des cordes. Et vous allez plus loin, vous dites même qu'il est suicidaire aujourd'hui pour un jeune chercheur de ne pas se lancer dans ce domaine, parce qu'après tout, les mandarins, comme on dit en France, qui tiennent le système académique sont tous issus de ce domaine. Alors c'est un tableau, quand on le lit hein, comme ça, en étant de l'extérieur, ça paraît vraiment très, très sombre en tout cas, l'emprise a l'air importante. J'ai envie de vous demander, Thibaut Damour, ce que vous pensez de ça. Alors, est-ce que ça décrit une réalité? Et surtout, est-ce que finalement, en France, en Europe, on est aussi... Cette réalité, semble-t-il, existe en grande partie aux États-Unis, mais la situation est assez différente en France. D'abord, certains des acteurs principaux de la théorie des cordes en Europe, que ce soit par exemple André Neveu en France ou en Angleterre, Mike Green ou Paul Townsend, ont eu leur carrière très ralentie. Paul Townsend, par exemple, n'a été élu professeur qu'en 1995, alors qu'il avait fait des travaux fondamentaux en théorie des cordes depuis longtemps. André Neveu, à ma grande honte, n'est pas membre de l'Académie des sciences, alors que c'est un des inventeurs principaux de la théorie des supercordes et de beaucoup d'autres choses en physique. Donc la situation sociologique est différente ici. Et une des questions que pose Lee... n'est pas évidente à répondre, puisqu'il dit aux États-Unis, il y a un système qu'on appelle le bandwagon, où on fait travailler tout le monde dans une seule ligne de recherche, comme ça, en se disant, bon, comme la plupart de ces gens-là, puisque la plupart des gens dans le monde de la recherche ne vont pas être des visionnaires, mais comme dit Lee, des artisans. Donc de ce point de vue-là, c'est mieux que les artisans travaillent dans une ligne bien déterminée. Et il suggère, en s'inspirant de discussions avec des gens de la grande finance, est-ce qu'il serait pas bien de faire plutôt des paris très risqués sur des gens très marginaux, en espérant que comme ça, il en sorte des idées géniales. Et là, à la fois, je suis d'accord en principe pour la diversité. En même temps, on voit que, par exemple, le système français est en fait très divers, puisque... le CNRS a plein de gens dont certains sont assez marginaux et on se pose tout de même la question, sans vouloir faire travailler tout le monde sur la même chose, si il ne faudrait pas être parfois un peu plus élitiste et voir les choses différemment, puisque quand un pays met tout son argent comme ça sur, dans tous les paniers à la fois, ça peut être moins efficace que de mettre tout son argent dans un seul panier. Évidemment, on aimerait une situation entre les deux, mais j'ai peur que les deux situations soient instables, c'est-à-dire soit on tombe dans un système très élitiste et très spécialisé, ou dans un système trop démocratique où on doit éparpiller la même quantité d'argent absolument à tout le monde. Je ne suis pas non plus convaincu par certains des exemples de visionnaires que donne Lee, parce qu'il a tout un chapitre en disant, voilà, un tel, je ne vais peut-être pas citer des noms ici, sont des gens très profonds qui sont été en dehors du système académique, et celui-là est aussi profond, et ici dans la même phrase Grothendieck et quelqu'un d'autre que je ne vais pas citer. Bon, il se trouve que Grothendieck a été l'un des premiers professeurs permanents à l'Institut des hautes études scientifiques dont je fais partie, et l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Bon, Grothendieck avait des côtés certainement visionnaires, des côtés marginaux dans sa vie personnelle, mais ce n'était pas du tout un marginal dans le domaine de la recherche. Et c'est quelqu'un qui a entraîné une industrie de géométrie algébrique derrière lui. Donc, il avait la qualité du visionnaire qui avait sa vision de ce que devait être un nouveau champ de la mathématique et pas de faire ce qui se faisait. Mais c'est quelqu'un qui a créé une industrie derrière lui. Donc, si on veut chercher les meilleurs physiciens à un moment qui vont créer la physique de demain, je n'ai pas de réponse toute faite. Je ne suis pas convaincu par les exemples de visionnaires que cite Lee. Je ne suis pas non plus convaincu que ce qui se passe aux États-Unis, où par exemple en théorie des cordes, je suppose qu'il doit y avoir de l'ordre de 100 000 articles scientifiques écrits, il y en a là-dedans un millier sans doute qui sont très importants, donc simplement 1 sur 100. En même temps, c'est parfois bon d'avoir des tas de petites contributions et ça donne... je ne sais pas quel est le bon système. Je trouve dommage que effectivement le côté un peu sulfureux, critique, parfois injustifié de Lee envers la théorie des cordes masque ses conseils beaucoup plus pragmatiques en disant essayons de nouveaux systèmes de gestion de la science parce que c'est important pour l'avenir. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais je ne suis pas sûr d'avoir les bonnes réponses.